Chapitre 8e, Sœur Diane. Le lendemain, l'affluence fut considérable dans la salle du trône ducal, et l'on fut très surpris de voir les trois frères Crispo, que la voix publique accusait hautement, entrer seuls et prendre place sur des sièges d'honneur préparés pour eux. Après réflexion, Jacques avait résolu de punir leur ingratitude par la clémence, cette vengeance des âmes nobles, et il parut bientôt lui-même, accompagné du seul Urséolo. Une inquiétude étrange se peignait sur les traits du vieillard. Diane avait quitté la veille le château en le faisant avertir qu'elle viendrait en personne déposer sa réponse aux pieds du duc. Pierre ne savait que penser de cette absence et de cette promesse, et mille soupçons lugubres se succédaient dans son esprit. Après les félicitations d'usage, Jacques monta sur le trône, où l'or et l'écarlate avaient remplacé le velours noir de la veille, et fixant sur ses frères un regard qui les fit pâlir, « On n'a jamais douté, dit-il, de mon amitié pour vous. Je veux pourtant vous en donner une preuve en présence de toute la cour. J'ôte de ma couronne trois de ses plus beaux joyaux pour en offrir un à chacun de vous. Oui, mes seigneurs, continua-t-il en s'adressant à l'assemblée, j'abandonne à Jean et à Marc les îles de Nio et de Thérésia. Quant à Guillaume, il jouira désormais des titres et droits de la seigneurie de Narnfio. » Un murmure d'étonnement circula dans l'assistance. Les trois frères baissèrent la tête. Jacques descendit les degrés de l'estrade et vint droit à eux. « Ce pardon, dit-il à voix basse, n'est pas une garantie d'impunité. Partez, mais n'oublie pas que ce trône, qui a versé sur vous le rayon de ma miséricorde, lancerait aussi bien la foudre, et que le châtiment des rebelles serait aussi terrible qu'a été prompte la grâce des assassins. » Tout à coup, la foule s'ouvrit pour faire place à deux femmes, dont le costume sévère contrastait singulièrement avec l'ensemble radieux de cette cour en habit de fête. On les eut bientôt reconnues pour les supérieures du couvent de Sainte-Claire. Elles tenaient par la main une jeune fille cachée de la tête aux pieds par un voile de gaze blanche. Arrivée devant Jacques, elle s'agenouilla en lui présentant un parchemin auquel pendait le sceau de l'État. « C'est vous, Diane ? » s'écria le duc avec angoisse. « Mais pourquoi ces vêtements ? » ?»« Reprenez ce traité, monseigneur, et songez à votre père. » Du fond de sa tombe, il vous conjure. Obéissez, épousez Florence de Sommerive, il le faut. La fille d'Urséolo n'eut pas la force de renoncer à vous. Sœur Diane vient vous dire adieu. Jacques poussa un faible cri et perdit l'usage de ses sens. Pendant qu'on le secourait, Diane embrassa son père et disparut. Sur un signe de Pierre, la foule se retira précipitamment. Diane, murmura Jacques en rouvrant les yeux. « Diane, où est-elle ? » ?»« Au couvent de Sainte-Claire, où elle prononce à cette heure des vœux irrévocables. »« Pierre, vous ne lui avez donc pas dit que je l'aimais ? » ?»« Elle le sait. » »« Mais le soin de votre gloire l'a emportée sur celui de son propre amour. Elle a triomphé d'elle et de vous. Imitez-la, monseigneur, et prouvez-lui, par un éclatant sacrifice, que le sien n'a pas été inutile. Ce traité, hors de grâce, pas aujourd'hui, Pierre. » !»« Laissez le cœur de Jacques se replier dans sa douleur isolée. » Il sera toujours temps de rappeler au duc de Nax une puissance et un rang qu'il aura payé de son bonheur. Peu de jours après, on célébrait à Nax la victoire emportée par Pierre Loredan sur Djali Pacha aux environs de Gallipoli. Les trois frères s'étaient installés dans leur nouveau fief et l'on s'occupait activement du mariage de Jacques avec Florence de Sommerive. Au milieu d'une des fêtes qui furent données pour célébrer tant d'heureux événements, Pierre Urséolo reçut de sœur Diane et montra au duc de l'archipel un billet qui finissait par ces mots. J'ai lu la lettre de Jacques. Oh, mon père, priez-le donc de ne plus m'écrire ainsi. Cette lettre renfermait une parole qui m'a effrayé, une parole profane qui ne doit pas retentir sous les voûtes de ma sainte prison. Dites-lui que mon cœur est au ciel et que je ne puis aimer que Dieu. Dites-lui aussi qu'il ait bon courage et que je prie pour lui. Ainsi s'achève Diane Urséolo, épisode de l'histoire de l'archipel, de Mollet Gentilhomme.